Ce panneau, que j'ai pu apercevoir il y a déjà quelques secondes, signale des feux tricolores à une trentaine de mètres. Ces feux sont au rouge. Toutes les voitures devant sont donc arrêtées. Sur ma droite, cet automobiliste a visiblement l'intention de prendre la même direction que moi. Plutôt que d'avancer et bloquer l'intersection, je lui fais signe de s'insérer devant moi. Je n'ai pas l'obligation d'allumer mes feux de détresse. L'usager qui me suit a dû, comme moi, noter la présence du panneau « Feu tricolore » situé à 30 mètres. Réponse A et D.